donc un peu les filles. Allez, on va partir ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue sur l'antenne de Érigé dans l'émission Johnny de A à Z qui officie tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et nous là, nous sommes aujourd'hui à l'avant-dernière émission de la saison 2017-2018 de Johnny de A à Z. Et pour, et ce mois-ci, le mois de juin, dernier mois donc de la saison, eh bien je vous propose d'écouter, non même pas d'écouter, non, c'est le mois des thèmes, des thèmes. Des thématiques, comme la semaine dernière nous avons eu les meilleurs albums selon les fans de Johnny Hallyday, ce soir on a le live de Johnny Hallyday, puisque demain soir jeudi 14 juin à partir de 20h dans toutes les bonnes salles, vous aurez en projection le concert à l'Olympia de Johnny Hallyday en l'an 2000. Et puis il y aura d'autres festivités également pour fêter les 75 ans de l'idole qui n'est plus parmi nous malheureusement. Et ce soir pour on va dire célébrer un peu en avance son anniversaire, nous allons faire Johnny Hallyday en live. Et avec, en gros, voilà, c'est un concert virtuel, bien entendu, hein, mais qui va nous porter de ses débuts jusqu'à nos jours, avec plus de 2 heures d'émission. Et si on commençait tout de suite par Johnny Hallyday en 1962, c'était à l'Olympia. Souvenez-vous, pour les plus vieux, et les moins jeunes, non, vous ne le saurez pas. On va commencer Johnny Hallyday qui nous faisait danser le twist. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous écoutez Érigé et l'émission Johnny de A à Z. Vous avez connu le bon temps, pour nous qui avons 20 ans. Oui, le bon temps c'est maintenant, et laissez-nous twister. Mais s'agit pas de vous moquer, arrêtez de nous blâmer. Nous dansons ce qui nous plaît, et laissez-nous twister. Twister, twister. À notre tour de danser, hey, twister, twister, et laissez-nous twister. On ne vous reproche pas d'être un goût le cha-cha, mais continuez, ça va trop loin. Mais laissez-nous twister, hey. Vous disiez dans votre temps la même chose dans vos parents. Allez, c'est notre sang, et laissez-nous twister. Oui, twister, twister. À notre tour de danser, hey, twister, twister, et laissez-nous twister, et twist. Mais comme on n'est pas jaloux, on vous aime malgré tout, alors venez avec nous. Essayez de twister, les jambes un peu écartées. Vous commencez à balancer, car vous n'êtes pas doué. Mais vous aimez twister, twister, twister. À notre tour de danser, hey, twister, oh twister. Et laissez-nous twister, let's twist. Notre tour de danser, hey, hey, twister, twister, et laissez-nous twister, et laissez-nous twister, et laissez-nous twister. Twist. Et laissez-nous twister.

sommeil. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, je serai là. Sport 1967, Place Sport 1969, il n'y a que deux ans qui les séparent. Voici Junaid et le titre A tout cassé. Vous écoutez Riché et l'émission Johnny 2 à Z. Ce soir, Junaid en live. On fête un peu en avance son anniversaire. Il aurait eu 75 ans s'il était encore parmi nous. Je l'ai aidé en live. C'est ici et nulle part ailleurs sur RIG. Mal, mal, comme une mère, toujours sous le mal. C'est un amour qui me fait la tout mal. Et il s'y La nuit je l'appelle comme elle était belle. Mal, mal, c'est un amour qui me fait mettre au mal. Mal, mal, en fait tu jures mais ça fait mettre au mal. Mal, mal, mais le bête qui s'en souffre du mal. Mal, c'est un amour qui me fait mettre au mal. C'est celui qui aime et c'est ma compagne. La nuit je l'appelle. Deux ans plus tard, Johnny investit à nouveau le Palais des Sports. Nous sommes en 1971. Voici tout de suite Essayez. Et juste après, ce sera Si tu parles la première. Vous écoutez, comme d'habitude, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, Johnny, sur dans l'émission de Johnny de A à Z. Ils vous diront, faut essayer de vous aimer. À votre tour de réussir tout ce que nous avons caché, avons raté. Marchand de guerre peut être fier. Notre univers, ils l'ont caché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. aimer, faut essayer de vous aimer, faut essayer de vous aimer, faut essayer de vous aimer, essayer. Que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez noir, faut essayer. Essayez, essayez de taper dans vos mains. Nous sommes à présent en l'an 2000 et voici des extraits que vous allez écouter demain quand vous irez au cinéma voir applaudir Johnny Hallyday et son concert de l'Olympia 2000. Voici Le Feu et on retrouvera juste après À propos de mon père. Et les secret. Et je disais qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu. Pour se faire que je n'ai pas eu. Pour se faire que je n'ai pas eu. Se faire que je n'ai pas eu. Et te faire mourir encore.

souvenir. Au café de la ville. Qu'est-ce que je vais devenir? Au café de la ville. L'amour écrase ma route. Et je les voulais. Je les voudrais toutes. Je la joue, oui, romantique. Ou faire tant magnifique. La fin était plus classique. Crédit auto et tout le cire. Qu'est-ce que je vais devenir? Et de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Au café de l'avenir. Du bar, je regarde la rue. Je me suis mis minable pour avoir l'air respectable. Dans les valises sous les yeux, une lettre commandée. Mon vieux à 50 ans passé, si j'en vois tout chier, assis sur mes convictions, je reste comme un con. Je n'ai pas vu vieillir, j'ai pas vu le tout venir. Le temps d'un dernier verre, on va bientôt fermer. Et je me prépare à partir. Mais on venait juste de commencer. On quitte la Belgique pour retrouver à nouveau Paris et le Palais des Sports en 1982. Johnny Hallyday en live ce soir, je vous propose dans l'émission Johnny AZ et comme d'habitude, sur RIG de 22h jusqu'à minuit. Tableau chez le peintre. Du mercredi soir. Ce soir, on va le retrouver à Bordeaux. C'était la patinoire de Maladec. J'y étais comme tant d'autres. Il y en a aussi qui écoutent ce soir et qui étaient à ce concert-là. C'était le 2 juin 2013. Voici Entre mes mains et le titre Qu'est-ce que tu croyais à la suite ? Merci beaucoup. Souvenir, souvenir.

Johnny à l'Olympia en 1964. Allez, un petit piac maintenant. On va retrouver Johnny Hallyday lors de la tournée d'été du Laura Datour. C'était en 1996 et cette fois-ci, Johnny est à Saint-Flour. C'était le 21 août 1996. Et le voici avec Lady Lucille sur RIG aussi. Et bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et bienvenue à la Gare à la Tour. Et lors de ce Lorada Tour, il y avait un titre qu'on n'avait pas entendu, du moins en 1995. C'est ce titre-là, Le Pénitencier. C'est un inédit pour ce Johnny Live du mois de juin. Yeah. À présent, nous passons en 2006. Le Flashback Tour. Palais des Sports. Et voici Gabriel. Ton amour est tendre, ma vie, mais et l'enfer. Je viens comme un espoir, car dans tes mains je veux que ça se soit. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et plus souffler sur tes cris. Je ne veux plus voir ton image dans tes yeux. Sans que j'aime sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. De bonne chance, celui qui veut ma place. Disant que j'aime sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. De ces fois j'ai refusé. Le flotte dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces son sang. Je veux t'expliquer, tu comprends où est le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'en fais. Tu veux faire, je ne serai plus l'esclave de ta chair. Disant que j'aime se voir le jour, c'est fait la peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Disant que j'aime se voir le jour, c'est fait la peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. Vous êtes jamais fatigué? Moi non plus. Je te connais, tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, moi je te connais, tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. En toi, trouve le ciel en toi. Combien de fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour avant le mien se mort sans une messe. Vivière, pauvre à tous. Non, tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Ce soir, je veux coucher entre tes bras de la peur de le bruit. Si je ouvre ton lit, ta bouche, je veux laver mon corps. Je veux toucher le fond de mon malheur. Je veux toucher le fond de ton cœur. Toujours le flashback 2006. À présent, nous allons retourner au Stade de France 1998. À la flûte, au sax et à l'harmonica, Monsieur Ray Heron. Pour ce spectacle, j'ai voulu vous chanter toutes les chansons que vous avez aimées au cours de ma carrière. Toutes les chansons à travers lesquels vous avez grandi avec moi. Et en cherchant bien dans les anciennes chansons, j'en ai trouvé une que moi j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'on se fait d'une fille dont on rêve tous. C'est sur un sublime texte de Philippe Lavreau. Et une musique d'Eddie Vartan, c'est La fille aux cheveux clairs. Mais les cheveux de cette fille, si blonds, si clairs, si tendres.

Allez, à présent, on va remonter le temps. On va revenir en 1972 et aller du côté, je ne sais plus de quelle ville, Chantilly, Tarbes. De Tarbes, pour retrouver John Hallyday avec son Johnny Circus. Et le titre, Comme si je devais mourir demain. Vous êtes avec John Hallyday sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. De 1970, on revient à John Hallyday 1984. C'était au Zénith avec deux titres, Toi, tais-toi et Drôle de métier sur RIG. Je vais te dire à mon tour, toi, tais-toi, je ne je veux partir. Le rétroviseur me joue du bleu turquoise pour rien. Mes yeux ne savent même plus mentir. Drôle de métier, drôle de métier. Il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché. Secrétaire s'est endormi entre deux mots. Bah, tant mieux, plus besoin de parler. Je vais brouiller l'image, couper le son de ma radio. J'aurai même plus besoin de penser. Je vais rouler le plus longtemps possible sans mettre les lumières. Un bond dans le temps, 25 ans plus tard, nous sommes en 2009 au Stade de France. Johnny on Unplugged. Mama. passer une autre qui va vous rappeler quelques, j'espère en tout cas, de bons souvenirs. Quand ce jour viendra, jamais j'y croirai car. Et ça, on allait faire un petit tour du côté du Parc des Princes. C'était en 1993. Et le 15 juin sortira dans tous les commerces et la réédition de ce concert-là en CD, en vinyle, double vinyle ou 5 vinyles avec quelques inédits. Enfin, un inédit moins, ça ne change pas un homme. Souvenir, souvenir, je retrouve mon cœur. Et vous faites refleurir tous vos rêves de bonheur. Dans la gloire de la danse, tout contre Jésus. Rendez-vous de nos vacances, faisons les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été. Lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour regarder dans ma tête les vins de la belle saison. Souvenir, souvenir. Il me reste mes chansons. Ma mère m'a dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Il vaudrait mieux le travailler, au lieu de t'en aller chaler. Et c'est pire. Oui, et c'est pire, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles qui vont penser à ces conseils. À la fenêtre je m'émerveille. Je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère qui fait belle. Laisse les filles, oui, laisse tes filles, tu as bien tort d'avoir les lignes dans le vent par moi. Laisse donc un peu les filles. Laisse donc un peu les filles. Souvenez-vous, c'était il y a à peu près un an de ça. J'aimerais ne pas être interrompu durant cette chanson, s'il vous plaît, messieurs. Retrouvez les vieilles canards Johnny Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Le papa dit... Quel acte d'amour, sans être marié, est un péché, est un péché. Oui, on dit ça et puis... Hein. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer. J'ai dit que je voulais pas être interrompu. À ma paroisse, je suis curé. Vous vous rendez compte? Lui, curé. Quoi qu'il en soit, j'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. N'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru, parler à mes fidèles sur ce ton. Oh, mais bien cher frère, mais bien cher sœur, reprenez avec toi tout son cœur. Alléluia, avant de faire la prière du soir. Faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières le soir. Maintenant l'amour est devenu le chemin de l'œuvre. Ne prendrez pas vos problèmes le soir. Pas de boogie-woogie avant vos prières le soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance reflétait surtout l'animation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du boogie, boogie, boogie. Eh bien, cher frère, eh bien, chère sœur, reprenez un pas de son cœur. Pas de boogie, boogie avant de faire vos prières le soir. Ne faites pas de boogie, boogie avant de faire vos prières le soir. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. à Bercy. C'était à Bercy le 24 juin 2017. Retrouvons en chanson finale, en chanson de clôture de ce Johnny Live juin 2018. La musique que j'aime, le titre emblématique de Johnny Hallyday. Que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient blues. Je chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Son des guitares, les mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Mais la musique vivra, ça que vivra les blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Tu fais la musique que j'aime. Ça, ça devient le blues. Yeah. c'est la chaîne de cette émission, Johnny 2 à Z spécial Johnny Hallyday live. Encore deux émissions à suivre pour cette saison 2017-2018. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine. Merci encore à toutes et à tous d'avoir assisté et participé à cette émission. Et puis voilà, bonne nuit à toutes et à tous. Bises, ciao ciao. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.